on te connaît. D'un coup tu fais le mafieux avec nous, gros, on te connaît. Ici ça dit les choses normies, ça parle plus en codé. Mauvaise fréquentation en tol, t'as fini abonné. Et t'as plus de monnaie. Moi j'aime pas les faux culs, ils disent des choses qu'ils font pas. Fais pas le mec qui t'occupe, grosse pas toi le trompe pas. Je vais toujours droit au but, sur le terrain je fais des drogues pas. Ça vise la cible, ça se trompe pas, dans mon équipe ça donne pas. Je fume que de la patate, je m'envole comme Zapata. Pour les couilles y'a pas d'âge, parle pas si t'as pas d'âme. J'aurais passé les rames et ils m'ont mené en bateau. Parce que leur une part ils voudront manger tout le gâteau. J'ai fait que du bien et le bon Dieu il m'a gâté. Je monte pas ma tête dehors, c'est pas pour la montrer sur un plateau. Tiens le vise, on a le tournevis. Fais attention parce que la roue elle tourne vis. Tu veux nous la faire tordue comme la tour de Pise. T'es pas là pour moi toi, t'es là pour le vice. Tous les jours ça tire, ça braque, ça vole, ça vend, ça risque. Sa putain de vida pour les sous-sous. Tous les jours ça boit, ça fume, ça vend, ça lève. Y'a des petites équipes qui se forment entre fous. On te connaît. D'un coup tu fais le mafieux avec nous, gros, on te connaît. Ici ça dit les choses normies, ça parle plus en codé. Mauvaise fréquentation en tol, t'as fini abonné. Et t'as plus de monnaie. Ça vise le sommet, plus de marche arrière c'est promis. Ça pue la peine de bâtard quand l'avocat est commis. Le but ultime est de ma famille, plus connaître la hesse. Pas de mot d'écho, j'écris sous filtre et dans le carré à S. Avant de signer, j'appelle le bave pour relire les glosses. Ça ravitaille à la queue comme la cafe, alors la quiche est grosse. Toujours le smile à part à 6h quand ça toc toc. Je vis, je vois, alors j'ai 2000 couplets sur mon bloc-notes. Des fois je doute, tu qu'un humain, mais le mental est fort. J'ai mon cerveau, ma paire de couilles, j'allais travailler fort. Y'a le fond et la forme, dans la faune ça va la flore. Là je suis au scut, je vais changer en billet des métaphores. Nous, on vise la Lulu, jamais c'est raté. C'est le cartel, c'est Youle, dans ma tête on va les braquer. J'ai bâtard, pour la daronne ta tête j'aplatis. La plata, un gros bolide sur l'autoroute ça t'a. On te connaît. D'un coup tu fais le mafieux avec nous, gros, on te connaît. Ici ça dit les choses normies, ça parle plus en codé. Mauvaise fréquentation en tol, t'as fini abonné. Et t'as plus de monnaie.